Merci d'avoir pris le temps de me répondre aux questions. On va parler de la musique, ce qui est peu étonnant puisque l'on a joué dans le même orchestre. Du violoncelle, formidablement, mais est-ce que tu as toujours su que tu voulais le jouer? Ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres instruments qui t'intéressaient? Alors oui, il y avait un autre instrument qui est celui qui est le tuba. Pourquoi le tuba? Tout simplement pour ses notes basses et graves qui m'intéressaient beaucoup. Et finalement, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est qu'à un jeune âge, on n'a pas le droit d'y jouer parce que ça fait trop de pression dans le cerveau. Donc, dommage pour le tuba, mais quel est l'événement marquant qui t'a fait commencer la pratique du violoncelle? Finalement, c'est assez simple. Ce sont mes parents qui m'ont proposé le violoncelle et ne connaissant pas ce que c'était, je me suis dit pourquoi pas. À quel âge t'as commencé à le jouer? C'était à l'âge de 7 ans. D'accord. Dans travail de baccalauréat, traitait également d'un sujet musical. Tu as dirigé l'orchestre, je pense que c'était Schubert, l'inachevé, donc la symphonie numéro 8. Comment est-ce que tu as trouvé ce changement de position du celliste au chef de l'orchestre? Alors c'est très intéressant, c'est vraiment pas du tout la même chose vu que finalement c'est à la position du chef d'orchestre, on voit tout et on entend tout, mais en même temps c'est beaucoup plus difficile puisqu'il faut se concentrer sur tous les instruments. Mais en gros, il faut dire que c'est un changement très intéressant et qui vaut le coup à tous les coups. Donc, voudrais-tu rééditer cette expérience en tant que chef d'orchestre? Oui, certainement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien refaire. Oui. Et Schubert est-il ton compositeur préféré ou pourquoi as-tu choisi sa symphonie? Alors honnêtement, j'ai choisi cette symphonie un peu à l'arrache. Mais il faut dire, ce qui m'intéressait dans cette symphonie particulièrement, c'est que elle n'est pas, donc elle est inachevée. Et je voulais savoir aussi finalement pourquoi elle était inachevée, vu que la première raison n'est pas la mort, donc il y avait une autre raison qui m'intéressait. Je me suis dit, en faisant ce travail, je pourrais trouver l'idée derrière cette symphonie inachevée. D'accord, merci. La musique semble prendre une assez grande place dans ta vie. N'as-tu jamais songé à faire des études dans un autre domaine? Alors, c'est une question assez complexe, mais bien sûr que oui, j'ai pensé à faire d'autres études, même si en tant que musicien, dès le début, on fait beaucoup de musique, on y pense dès le très jeune âge. Mais en parallèle, je pensais aussi à faire du droit, tout simplement, vu que dans ma famille, il y a beaucoup de juristes et de avocat, donc c'est un domaine que je connais déjà un peu, enfin que je connaissais, mais finalement la musique a pris le dessus de la main et c'est dans quoi je suis resté. Cool. Est-ce que tu as des projets musicaux que tu aimerais élaborer dans le futur, donc seul ou avec l'orchestre? Donc en ce moment je joue dans un orchestre et ça me va très bien, mais bien sûr la musique de chambre m'intéresse beaucoup aussi. Et je pense faire donc justement soit des quatuors à cordes ou quatuors avec piano. Mais pour être honnête, en ce moment, ce n'est pas encore tout mis en place. Et tu pourrais t'imaginer une vie sans le violoncelle? Bien sûr que non, c'est quelque chose qui fait part de ma vie. Et c'est mon boulot, je gagne ma vie avec ça, donc non, pas du tout. Si quelqu'un aimerait jouer du violoncelle, quel conseil lui donnerais-tu? Il y a finalement un seul conseil, c'est d'y rester et ne jamais abandonner, même quand on n'a pas envie de réviser, de répéter, répéter, parce que c'est quelque chose qui fait part de la musique. Mais s'il y a une chose que je puis dire, c'est qu'à la fin, le résultat vaut toujours toutes les répétitions avant. Donc, ne jamais abandonner. T'as raison, ouais. Une dernière question, un peu plus générale. Ta famille vient de France, toi t'as grandi en Suisse. Est-ce qu'il existe des différences culturelles en musique entre la Suisse et la France, par exemple dans les orchestres ou concerts? Alors, il y a une grande différence en ce qui est l'instruction de la musique. En France, on pose surtout sur les gens qui sont doués. Ça veut dire que tous ceux qui sont doués, ils sont poussés à devenir des grands musiciens. Et ce qui est bien dans le côté où justement c'est eux qui deviennent les plus grands musiciens dans le monde, carrément. Mais en même temps, tous les jeunes gens amateurs ne sont pas assez favorisés, ce qui est finalement un grand problème. Et là, en Suisse, ça marche beaucoup mieux, où il y a plein de possibilités pour tout le monde qui est moins musicien et qui fait ça que comme hobby. Merci Voilà. beaucoup.